Ah, c'est un personnage qui est relié au monde des intraterrestres, car en ce qui concerne le monde à venir, celui-ci semble assez sombre. Non, Ramta est un personnage qui est relié aux forces d'éducation du monde intraterrestre. C'est un personnage qui est relié au monde astral. C'est un personnage qui travaille intimement avec Maitreya. Maitreya, on sait que Maitreya, c'est la réincarnation pluralitaire de la majorité des mémoires de tous les avatars du passé. Maitreya, c'est l'Antéchrist. Et Ramta, le personnage, travaille en collaboration, on peut dire, avec Maitreya. Ramta, c'est un instructeur qui provient de très très longtemps. C'est d'ailleurs lui-même ce qu'il va dire. C'est un personnage qui a vécu là, plusieurs milliers d'années, sinon millions d'années. Et effectivement, c'est un vestige d'un instructeur. C'est un peu comme si présentement, on déroulait le scénario, le film d'un personnage qui a expliqué des choses dans le passé. Et comme j'expliquais un peu lors de la conférence sur la Terre, une vaste prison, en écoutant ce film-là, nous on le filtre et on l'a juste en fonction de notre spiritualité. Et on a l'impression que le personnage s'adresse à l'homme. Le personnage ne s'adresse pas à l'homme. J'explique encore une fois en résumé que l'humain souvent pense qu'il a vécu une chute à l'origine, alors que c'est les intraterrestres qui ont été placés, qui étaient des extraterrestres à l'époque, qui ont été placés sur la planète Terre, sur une forme de planète réforme. Et parce que l'humain est apparu là-dedans, l'humain est en contact avec les instructeurs d'intraterrestres au niveau des forces astrales, et parce qu'il y a eu un mélange génétique en Lémurie entre l'homme et les intraterrestres, qui a engendré de l'âme et de l'ego chez l'homme, à partir de là, la Bible commence à parler de l'homme, et bien nécessairement, l'humain est assujetti à toutes les mécaniques d'instruction des intraterrestres, ce qui fait en sorte que l'intraterrestre, on va lui dire, tu dois revoir ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi tu es là, donc tu dois te rappeler. L'humain, lui, passe son temps à vouloir se rappeler alors que l'humain doit regarder vers l'avenir. Alors, il y a tout un paquet de mécaniques qui vont faire en sorte qu'on ne voudra pas que l'intraterrestre s'en sorte et l'humain pense que ça s'adresse à lui. Ramta est un personnage qui doit instruire l'intraterrestre et qui doit instruire l'intraterrestre en fonction de certaines visions de ce qui doit arriver sur le plan planétaire et en même temps qui doit instruire l'intraterrestre de certaines mécaniques qui vont permettre aux intraterrestres de gérer certaines choses qu'ils ont connues à l'époque. L'humain qui s'associe à ça va nécessairement se faire colorer totalement, ça ne le regarde pas. Alors Ramta est associé à aux forces astrales qui ont comme fonction d'instruire dans le phénomène spirituel les intraterrestres, et nécessairement parce que l'humain est assujetti aux mécaniques spirituelles par son âme, l'humain se fait instruire. C'est la même chose probablement pour un paquet d'écrivains ésotériques ou de formes de psychologie un peu... À ère nouvelle, il doit en avoir un paquet qui ont la même fonction. Parce que l'ère nouvelle est une ère ancienne replacée. Alors que l'ère nouvelle n'a vraiment rien à voir avec ce que l'humain s'est fait. Surtout que l'humain, il bâtit son ère nouvelle en fonction de certains prophètes ou de certains avatars du passé qui ont bien spécifié que jamais l'homme saurait comment ça va arriver. Il y a quelque chose qu'il faut que l'humain comprenne à un moment donné. C'est un peu comme tu adores la statue d'un dieu qui a comme commandement, tu ne créeras pas d'idole ou de statue, des choses, de représentation écrite ou dessinée ou sculptée des choses du ciel ou de la terre. Tu dis, tu adores la statue parce que ça c'est génial, ce qu'il dit de lui. Il y a des mécaniques comme ça dans l'astral. Parce que tant que l'humain apprend des choses, quand l'humain commence à comprendre, l'humain commence à avoir un problème, une indigestion de religion, de science, de philosophie, ces choses-là. Et c'est pas que les religions, les sciences, les philosophies sont mauvaises. C'est simplement que ça le permet à l'humain d'être conservé jusqu'à temps que l'humain développe une conscience. Quand l'humain commence à exploiter sa conscience, nécessairement, il devra se détacher de ça. C'est pas celui qui a dit ça qui a fait la statue. C'est l'humain qui a fait la statue. Exact. Quand tu sautes en parachute, disons, la religion, c'est un parachute. Tu sautes en parachute. Le parachute s'ouvre, pouf, la religion vient de s'épanouir. Là, ça te ralentit, t'arrives au sol. C'est génial. Et maintenant, il est temps que tu sautes le parachute. Surtout si tu es tombé à l'eau. Non, je n'ai pas pour ôter mon parachute, il m'a sauvé la vie. Ouais. Quand tu parachutes, je suis ici. Puis tu essaies de marcher au vent, puis le vent grimpe, le parachute, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se gonfler, il va te traîner à terre, il va te fracasser contre les roches, contre les arbres. C'est évident. Puis à un moment donné, le parachute te mène dans le précipice. Tu tombes dans le précipice. Tu te sauves la vie, le parachute. La religion, génial! Tu changes de pas levé. Elle change de pas levé. Effectivement, elle change de pas levé. Sauf qu'il n'y a plus de l'autre, c'est pas dans le principe. De religion, de temps en temps, l'humain continue à se faire emballer par son parachute, qui est sa mémoire, puis des mécaniques qui l'ont aidé. Puis il y en a qui ont encore besoin de parachute parce que là, il aurait fallu qu'il lâche de 15 ans, mais là, c'est en train de tomber depuis le temps. Là. Si la personne ne comprend pas, elle dit « Ah, il faut lâcher le parachute! » C'est que les pitaf, c'est pas le temps là pour elle, mais c'est le temps pour les autres. C'est pourquoi dans l'évolution, on ne doit jamais convertir autrui. Quand on n'a plus besoin, ça ne peut pas dire à tout le monde qu'il faut qu'il l'autre. Ouais, c'est pas parce que tu as tout fait à terre que... tout le monde est arrivé. Alors, à un moment donné, tu ôtes ton parachute, tu le laisses partir, puis là, tu te sens tout nu, hein? C'est la grande voile, elle vient de partir. Puis là, subitement, tu peux avancer librement. Tu n'as pas connu ça, tu as l'impression que c'est pas correct l'affaire. Puis quand tout le monde passe ouvert avec le parachute, tu te dis, j'ai tout lâché. Ils vont tous dans le sens contraire. Mais toi, non, ils peuvent pas aller contre le vent, ils vont être le vent. Là. Ouais. Les religions, c'est comme ça. C'est pour ça qu'il faut comprendre, c'est qu'à un moment donné, l'humain est dans l'espace, puis l'humain descend. Ben, il y a un parachute, ça va l'aider, c'est génial. On ne faut pas être contre les religions. Il faut, à un moment donné, que c'est quand la religion est contre nous, c'est le temps qu'on abandonne simplement cette technique-là, cette stratégie-là, qui est extrêmement intéressante pour ceux qui en ont besoin. Ramta, c'est un peu la même chose. Ça sert à instruire certains personnages, ça leur amène des choses. Qu'est-ce que Ramta enseigne? Je parle ça pour les personnes qui ont lu un peu ses livres. Ben, il enseigne Ramta ce que Bouillot a enseigné. Il enseigne ce que dans le livre La vie des maîtres, on peut lire, même si c'est un roman. Bon, il enseigne ce que le Nazaréen a dit. Il enseigne ce que, même les grandes parties de ce que Mahomet a dit. Il enseigne ce que les grands sages australiens ont dit. Il enseigne ce que tout ce qu'on peut trouver ailleurs. Il enseigne ce que Alice Bailey dit, ce que Blavatsky a compté. Bon, il enseigne ce que les sages africains ont compté, les égyptiens ont compté. Quand on lit le livre des morts tibétains, on voit des choses que Ramta enseigne. Puis subitement, on se dit, hey, c'est Ramta. Et il ramène le tas, puis là, il nous explique tout ça au complet. C'est quoi? C'est simplement que là, la personne, elle a besoin d'un autre créneau. Pourquoi? Parce qu'elle a lu la Bible, puis elle n'a rien compris. Elle a lu le Bardo Todol, elle n'a rien compris. Puis là, moi, c'était pas le temps. Elle a lu la cosmogonie du Rancia, ben, elle n'a rien compris. Puis à un moment donné, c'est le temps qu'elle comprenne. Car lisons la Bible, elle va tout comprendre. Car lisons le Bardo Todol, elle va tout comprendre. Car lisons le Coran, elle va tout comprendre. Mais là, elle tombe sur Ramta. Elle comprend tout. C'est lui qui a raison. Mais il compte la même affaire. Ramta, est-ce qu'il dit « Suivez-vous les uns les autres? » Non. Bon. C'est bien, vous deux non plus. Puis le Nazaréen non plus. Puis Luther King non plus. Puis plein d'autres. Sauf que ben, c'est le temps qu'on comprenne, fait qu'on tombe dessus, on pense que c'est juste ça. Mais c'est pas pire tomber... Non, c'est la même chose. Le problème, c'est que tu penses... En même temps que tu ne restes pas accroché après la forme, ben, c'est le problème, tu restes accroché après la forme parce que tu n'as pas compris l'idée. Il y en a, à un moment donné, il y a lu Krishnamurti, qui ont trouvé ça génial. Il y en a qui ont lu Aurobindo, qui ont trouvé ça génial. Ben, les deux, c'est la même affaire. Il y en a qui ont lu, à un moment donné, Alice Bailey, qui ont lu des livres d'Alice Bailey. Puis il y en a qui ont compris, il y en a qui n'ont rien compris. Ils trouvent ça génial. C'est la même affaire que ce que les autres ont compté. Bon, à un moment donné, ça va être Khalil Gibran, à un moment donné, ça va être Monseigneur Arabe, lui, à un moment donné, ça va être... Qu'est-ce qu'il y a de différent dans ce que toi t'écris? Rien. La seule nuance, c'est que dans certaines choses que j'ai... Tu veux savoir si je vais refaire ma bibliothèque? Non, pas au niveau de la compréhension. Si tu lis Daniel Kemp dans, par exemple, certains livres que j'ai écrits dans le passé, tu vas comprendre d'une façon nouvelle des choses qui ont été expliquées par tout le monde avant moi. Bon, peut-être te comprendre plus avec Daniel Kemp, peut-être comprendre plus avec un autre. Ça peut être Jean-Louis Victor. Hein? Bon, on va se dire, oui, mais c'est pas la même chose. C'est pas la même saveur. Quand on a à comprendre, on a à comprendre. Jean-Louis Victor, c'est un pacifiste. Daniel Kemp, c'est un pacifiste. Que je le dise supramentalement ou que lui le dise spirituellement, c'est, l'important, c'est qu'on cesse de s'engueuler et de se casser la gueule. Si tu lis de la naissance à la mort, ben là, tu vas aller chercher du neuf dans l'explication des choses. Ce que tu retrouves pas ailleurs. Mais le neuf dans l'explication des choses, c'est pas ça qui va te rendre heureux dans l'explication des choses. Le neuf dans l'explication des choses, qui va te permettre, à un moment donné, de peut-être ajuster un peu plus ton ajusteur de pensée dans différentes mécaniques. Mais là, par contre, la cosmogonie du Rancia peut te donner le même résultat. On n'explique pas la même chose. C'est pas l'explication qui est importante. C'est ce que ton cerveau a besoin de faire, puis c'est ce que ton énergie a besoin, la façon dont ton énergie a besoin d'être canalisée pour comprendre un écrit. Est-ce que les mots qui sont imprimés dans les livres, finalement, sont d'énergie qui nous... Les mots sont des directeurs d'énergie. Vous lisez un livre d'astrophysique, par exemple, écrit par Hubert Reeves, Puis vous allez avoir des connotations supramentales qui vont se rapprocher finalement de la naissance à la mort. Sauf que dans de la naissance à la mort, vu que c'est écrit par un personnage qui comprend la mécanique des écritures, il faudra que tu lises peut-être plus de livres pour arriver au résultat d'un. Mais peut-être que si on n'est pas capable de digérer le 1. Donc, je ne sais pas qu'il faut lire les livres que j'ai écrits plus que d'autres. Il y a même, quand vous lisez un livre, là, puis là, il n'y a rien là-dedans, puis un autre, il n'y a rien là-dedans, puis là, ben là, c'est le temps de lire le mien. Mais si tu lis un livre, puis c'est compliqué, ben là, c'est pas le temps de lire le mien, parce que vous allez un paragraphe, puis c'est de l'avoir pour... C'est juste une question d'énergie. Il y a des livres qui sont écrits pour amener de l'énergie, puis il y a des livres qui sont écrits pour informer l'ego. La cité de Seth, ça informe l'ego, ça amène de l'énergie. Mais il y a plein de romans, il y a plein de livres comme ça, et c'est pas avec le mien. La naissance à la mort, c'est uniquement pour amener de l'énergie dans l'ego, puis dans le mental de l'humain. C'est pas pour informer. Tu peux t'informer un peu à travers la chose, mais c'est plus pour amener de l'énergie. Puis je peux t'en aimer plein de livres comme ça qui existent, qui vont faire la même chose. C'est pour quand le tome 2, pendant qu'on en parle? J'ai commencé à écrire le tome 2 en 1986, je crois. Ça fait deux pages? Non. Deux chapitres de 500 pages. Ah, c'est commencé, sauf qu'il faut que le tome 1 se fasse digérer. Parce que ce qui est dangereux, c'est quand tu amènes trop d'informations en même temps. La personne, elle est toute seule, n'a rien compris, puis là, elle va voir l'autre tout de suite, puis finalement, ça devient un intellectualisme d'évolution. On ne prend pas le temps d'intégrer, on s'instruit, on n'intègre pas. Comme il y a des personnes, à un moment donné, qui découvrent Daniel Kev. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent dehors, puis ils achètent 350 cassettes. Puis ils reviennent la semaine d'après, puis ils ont tout écouté. Les yeux fermés, les oreilles rouges. On les reconnaît, ceux-là. Puis là, ils me disent, est-ce qu'on fait assister aux conférences du bois sans faire le séminaire? Je comprends tout. Ouais, mais réécoute les cassettes. Une à la fois. J'ai beaucoup de peine aujourd'hui car j'ai dû faire euthanasier mon chien que j'aimais beaucoup. Je n'avais pas le choix car on déménage dans une maison plus grande pour garder des personnes âgées. Il était de l'âge de Berman comme ceux que Charles aime. Il aurait gardé les personnes âgées. Personne n'aurait bougé. Il aurait dû me donner. Je voudrais savoir si j'aurais un karma à payer pour ça. Aussi, il me protégeait quand j'étais seul. Crois-tu, Daniel, qu'il peut continuer à me protéger même s'il n'est plus là? Dans mon cas, je vais juste le nommer puis je vais être correct. L'homme doit être son seul maître. Il faut que de plus en plus l'humain arrive à comprendre ce phénomène-là. On doit cesser de désirer s'attacher à des mécaniques de protection. Vous mourrez, puis moi je me demande si vous allez me protéger autant une fois mort. Alors que quand vous étiez vivant, vous aviez besoin d'un autre pour vous protéger, ou d'un animal. Le chien vous protégeait parce que vous méritiez d'être protégé. Si le chien n'est plus là, continuons donc à développer ce qui faisait que l'animal voulait nous protéger. Il faut pas qu'on reste apitoyé sur un sort, puis là, faut pas. Est-ce qu'on peut dire que quand on n'a plus besoin d'un protecteur, c'est parce que tu es capable de te protéger tout seul? Pas nécessairement. Tu peux être capable de... Pas, que tu n'en as plus besoin quand la vie se charge de te l'enlever, parce que là, c'est plus le cas. Au niveau matériel, c'est évident. Pour la personne, il y a d'autres choses à apprendre. En ce qui concerne l'euthanasie, il faut comprendre plusieurs choses. Bon, on va faire un petit brossage, on brosse un petit tableau rapide. Premièrement, l'âme, c'est la seule structure chez l'humain qui n'évolue pas. Ça apprend des choses. Puis, quand on fonctionne avec l'âme, eh bien, tous les avatars sont passés, les grands maîtres sont passés dans le passé, ils ont expliqué plein de choses. Puis aujourd'hui, ben, ça se viole, ça s'engueule, ça se drogue, ça chicane, ça se suicide. L'humain n'a pas changé du point de vue astral, on est comme le Romain, puis de l'homme des tavernes à l'homme des cavernes, il n'y a pas eu grande évolution au niveau du phénomène astral. Maintenant, l'humain évolue au niveau de sa conscience. L'astral, c'est une architecture qui est un échafaud qui lui permet de bâtir des corps qui vont lui permettre à un moment donné de s'en libérer, de se libérer de l'échafaud, donc de parvenir à la finalité humaine, c'est-à-dire avoir un double éthérique complet qui va faire en sorte que lorsque l'être humain va mourir corporellement, il ne gagnera plus le monde de la mort et ne mourra donc pas spirituellement, il ne mourra pas au niveau de sa conscience, donc l'humain devient immortel du point de vue de la conscience. Ce qui n'est pas le cas présentement. L'humain est immortel d'une façon absolue, mais l'humain n'est pas immortel en ce qui concerne la centricité sur sa conscience. Quand un être humain meurt, présentement, il gagne le monde astral, il est dissous là-dedans, puis quand il se réincarne, il ne se rappelle plus qui il était, parce que ce qui se réincarne dans un corps physique, c'est un paquet de personnes mélangées ensemble, qui ont des affinités plus ou moins propres. Il se réincarne, la personne ne se rappelle plus qui elle était, parce qu'elle a été un tel, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Dans la finalité humaine, l'humain qui meurt reste conscient, puis il se réincarne, il reste conscient, puis il continue. Et progressivement, son corps physique devient androgyne, il ne meurt plus, parce qu'il n'est plus assujetti aux mémoires, parce qu'il n'y aura plus d'ego là-dedans, c'est plus nécessaire qu'on le tue. Et il va se désassujettir totalement de tous les principes de mécanique d'évolution planétaire, qui sont des mécaniques animales. Ça veut dire quoi animal? Ça veut dire que de base, on est des animaux. Nos corps physiques sont animaux. Les hommes le savent par le système endocrinien qui les oblige à corroyer les femelles sans arrêt. Les femelles le savent par, par exemple, le fait qu'elles doivent... Courir quand elles meurent, courir après. Oui, ou encore ben, faire la cuisine pendant qu'elles courent. Bon, hein, on voit ça chez les animaux. Et la femelle, le mâle ont des problématiques endocriniennes. La femelle, elle commence à être menstruée, puis elle commence à être plus colérique, puis plus irritable, Bon, c'est endocrinien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps physique influence énormément ce que l'humain est du point de vue de son âme, du point de vue de sa psychologie. On vous drogue de différent. On vous opère de différent. La personne, elle est ménopausée, puis là, ça ne reconnaît plus. On lui donne des hormones, là, ça reconnaît. C'est le biologique qui va décider comment se promène au niveau psychologique. Mais l'humain, c'est pas ça. La personne qui vit la ménopause, qui ne reconnaît plus, si j'ai une marde, est-ce que c'est intelligent de tuer quelqu'un dans la rue? Moi, c'est vraiment pareil. La conscience n'est pas altérée par le corps physique. Mais l'état d'expression dans la vie devient altéré. Le chien, c'est un animal. L'être humain, à un moment donné, de l'animal humain, devient un être humain. Puis, à un moment donné, il va devenir un être. Il ne sera plus assujetti à des mécaniques physiologiques, hormonales, neuroniques et génétiques qu'on a connues jusqu'à date. C'est correct qu'on ait connu ça. Nous, prenons l'animal à quatre pattes, on le dressait debout, il a mis un cerveau, il a mis un temps de laryngé, pour qu'il puisse parler de façon à former de la pensée, à former, à un moment donné, de la conscience, à former des mécaniques qu'on appellera le verbe, qui est une voix juste, une parole juste, puis un temps de laryngé centré. Le chien, il est là uniquement pour servir. Tout ce qui est sur le plan planétaire est là d'une façon aléatoire, c'est-à-dire que ce sont des mécaniques totalement planétaires, une espèce d'un écosystème planétaire qui a géré par accident le phénomène de l'évolution des espèces. Et à travers les espèces, ben, il y en a une qui s'est fait ramasser par de l'intelligence, puis c'est la nôtre, l'espèce humaine. Bon. Alors on aurait pu ressembler à un cheval, mais le cheval a fallu m'en donner avec des mains. Il aurait fallu m'en donner qu'il fasse avoir un grand coup, puis il aurait fallu m'en donner qu'il mette des souliers. Il aurait fallu m'en donner qu'il se bâtisse comme l'homme. Parce que la main, c'est génial, ben, bien, pas on a évolué une espèce animale pour qu'on puisse l'habiter. Là, on s'identifie à l'espèce, ça fait des millions d'années qu'on travaille dedans. On pense qu'on est, un corps physique comme une espèce. Le chien, lui, euthanasie un chien, il n'y a aucun problème. Le karma, on le ramasse, premièrement, le karma, on le ramasse, il y a le karma relatif, 90% du karma de l'humain, c'est la culpabilité. Peut-être qu'il n'est pas bien fait, mais là, vous payez du karma. Là, vous gardez votre chien, à un moment donné, il saute sur un vieillard, il défigure. Peut-être que j'ai pas payer du karma. Le karma relatif. Quoi que vous fassiez, vous allez le regretter. C'est le phénomène même du karma, de culpabilité, le karma relatif. Comme je dis souvent, ton fils, ta fille, te chiale pour avoir un ballon, tu n'en achètes pas un, À un moment donné, tu maudis, tu te sens coupable. Tu en achètes un, ballon traverse la rue, il part après, il se fait tuer. Tu te sens coupable. Puis tu dis, j'aurais pas dû y acheter un ballon. Adolescent, il te maudit, il s'envoie promener, puis il disparaît. J'aurais donc dû y acheter un ballon. Non. Il faut qu'on se libère de ça à un moment donné. On fait ce qu'on peut faire. Avez-vous bien agi pour l'espèce la plus importante sur la planète? L'humain. Puis je sais pas, peut-être que le gouvernement n'aurait jamais rien fait, peut-être qu'il aurait sauvé la vie à un petit vieux à un moment donné. Vous avez agi pour le bien ou pour le mal? Pour le bien. Alors, quoi qu'il va arriver après, ça ne vous regarde plus. L'humain de se centrer là-dedans. Faites ce qui est esthétique. Très, très, très simple, faites ce qui est esthétique. Alors, Adolf Hitler, c'est un enfant de 8 ans qui est en train de se noyer. Qu'est-ce que vous faites? Vous le sauvez. Vous ne connaissez pas l'avenir, ben vous le sauvez. C'est esthétique. Après ça, il s'est massacré plein de monde, ça ne vous regarde pas. Ça va vous cul, vous allez avoir un mot du karma à payer si vous vous sentez coupable de l'avoir laissé en vie. Tellement, tellement simple. Le chien, c'est un bon chien, il faut l'euthanasier parce qu'il y a des raisons qui sont esthétiques, qui sont intelligentes en regard du règne humain. L'animal, c'est pas un problème. Ce chien-là meurt, il va se réincarner dans un autre chien qui peut-être va l'avoir plus tard. Il va se réincarner dans un autre chien qui va aimer l'humain aussi. Et on projette l'humain dans l'animal. Puis le chien a été créé par Noé à l'époque de l'Atlantide, dans un territoire qu'on reconnaît aujourd'hui comme étant les Galapagos, pour être capable, Noé avait comme fonction de créer deux animaux, le chat et le chien. Le chien pour supporter l'astralité humaine, donc son excédent de psychologie. Alors nécessairement, le chien va faire des... Il va avec des gros yeux, puis il va nous gronder. On a peur, il nous part après. C'est le meilleur ami de l'homme, parce que tu peux te compter ce que tu veux, puis jamais, il se pète, puis jamais, ça revient contre toi. C'est bon. Mais c'est un animal qui était créé pour ça. Le chat était créé pour supporter l'humain du point de vue de son énergie vitale. C'était créé pour ça. On n'a pas à se culpabiliser, c'est correct, on agit convenablement, puis il n'y a pas de karma là-dedans, puis il n'y a pas de problématique. La première espèce qu'on doit préserver, c'est les corps humains, cet animal-là. Parce que cette espèce-là contient l'être. L'animal, par imprégnation, il devient comme humain. Mais il n'est toujours pas. Prenez un chien. Vous l'éduquez, un chiot, vous l'amenez à un chien, puis il est superbe, puis il est gentil, etc. Lâchez-le dans la nature, reprenez-le 6 mois après. Vous allez voir la nature comment elle l'a renaturé. Mais il était si fin, il était si doux, il était plus humain au contact de l'humain, par imprégnation. Les animaux domestiques, une fois sauvages, meurent ou redeviennent sauvages, puis rapidement. Hein? Parce qu'ils deviennent, ils redeviennent ce qu'ils étaient. Mais au contact de l'humain, le cheval va aimer se promener qu'un cavalier. Il va adorer aller faire l'équitation pour quelqu'un d'autre. Il va adorer se voyager, regarder des choses. Mais le cheval sauvage, non. Pourquoi le cheval veut faire ça? Parce qu'il veut servir l'humain. Parce qu'il est bien au contact de l'humain, parce que l'humain l'humanise, par imprégnation. Après ça, quand le cheval meurt, c'est la partie humaine qui était dans le chien revient chez l'humain. Il y a pas, on ne doit pas s'en faire comme ça. Les plantes, c'est la même chose. On fait attention. Mais quand c'est pour sauver un humain, tuer des plantes, tuer un chien ou des choses comme ça, c'est pas un problème. Il n'y a pas de karma là, sauf le karma relatif, la culpabilité. Au point de vue ésotérisme, y a-t-il quelque chose à savoir en ce jour de solstice d'été? Oui. Quoi? Les parents, alors les enfants chez vous. Pour les bois qui viennent. L'école vient de finir. Les vacances sont finies, oui. Les parents? Non, il n'y a rien de particulier à aller chercher là. Et voyez-vous, c'est que 4 fois par année, on a placé des choses. Il y a les équinoxes et les solstices. Énergétiquement, c'est évident qu'il se passe de quoi. Donc, on parle d'ésotérique, on parle de cette mécanique-là. Je pourrais vous faire une conférence complète sur le solstice, mais c'est pas... L'humain est perturbé normalement dans les équinoxes et les solstices. Il y a beaucoup d'énergie tellurique qui sort. L'énergie solaire frappe de plein fouet présentement. On peut ramasser beaucoup plus d'énergie. Là, il faudra aller étudier. S'il y a des tempêtes solaires, l'humain peut devenir plus violent. Présentement, il y en a plein. Il y a beaucoup de tempêtes solaires. Ésotériquement, il se passe des petites choses, là, mais en ce qui concerne l'humain doit finir à un moment donné par se désassujettir de ces mécaniques-là. Psychologiquement, il se passe quoi? Il y a un peu plus de violence dans quand les solstices arrivent, les équinoxes aussi souvent. Comme les pleines lunes, par exemple, il y a des réactions. Sauf qu'à un moment donné, l'humain doit devenir suffisamment son maître contrôleur pour ne plus se laisser influencer par ça. Alors, par exemple, moi, je peux découvrir dans un laps de temps que mon égo est plus irritable. mais ça n'influence pas ce que je suis. Donc ça ne dérange rien. À un moment donné, je me rends compte que je suis plus sensible. Mais ça n'influence pas ce que je suis. Comme je le dis souvent, quand l'homme nouveau ou la femme nouvelle va vouloir tourner à gauche, puis que Mars ne voudra pas, de mettre Mars littéralement de tourner à droite, bien Mars, elle va changer d'orbite. Puis l'homme va tourner à gauche, puis la femme elle va tourner à gauche, il faut qu'elle tourne à gauche, ou à droite, il faut qu'elle tourne à droite, puis tout droit, il faut qu'elle marche tout droit. L'humain doit finir par se désassujettir dans sa conscience psychologique des biorhythmes, de l'astrologie, des mécaniques ésotériques, par exemple, reliées au changement des saisons. C'est évident que le printemps, quand il s'étire, ça nous nuit. Il ne faut pas que ça altère notre conscience. La conscience restera la même. Mais on va chialer plus. C'est l'ego qui est altéré. Alors, à un moment donné, on découvre des mécaniques qui vont faire en sorte que ça ne dérangera plus. Ou par certains contrôles physiques, l'humain sera plus altéré. Alors, ce que moi, je préfère, c'est qu'au lieu de chercher les mécaniques, disons, ésotériques ou occultes, sous-jacentes à ces rythmes saisonniers-là, on doit continuer à travailler pour être son seul maître. Et progressivement, on va être totalement libéré de cette mécanique-là. Les équinoxes et les solstices, c'est pour avertir les animaux. Et nos corps physiques en sont avertis. Les pleines lunes, c'est pour avertir les animaux. C'est le cycle, c'est un cycle. Et les animaux sont avertis. Nos corps le sont aussi. La pleine lune, par exemple, elle amplifie. Vous êtes heureux, vous serez plus heureux. Vous êtes malheureux, vous serez carrément déprimé. Mais c'est des cycles pour avertir les animaux. Et nous, on se laisse jouer avec ça. Il y a les marées terrestres qui avertissent ces animaux. Il y a les tremblements de terre qui avertissent ces animaux. Ça avertit les armes de groupe des animaux. On doit de plus en plus se désassujettir dans la conscience de ces mécaniques-là qui sont fonctionnelles, qui sont existentielles, mais qui ne s'adressent pas à l'humain, qui s'adressent à l'animal. Où est situé l'éther de la planète Terre? L'éther, accent aigu, T-H-E-R. Bon, ouais. Même pas obligé d'accent. En autant qu'il y a une virgule. Quand on parle d'éther, c'est un vieux terme, évidemment, qui a été amené par certains scientifiques à l'époque pour expliquer la propagation de la lumière, des ondes, etc. Et on s'est rendu compte scientifiquement aujourd'hui que ce cinquième élément que certains scientifiques voulaient amener à l'époque d'Albert Einstein, on s'est rendu compte que probablement qu'il n'y avait pas d'éther dans ce genre-là. Mais l'éther est un terme qui vient de l'ésotérisme européen, qui vient de très très très loin dans le passé, ça vient de la race indo-arienne, indo-européenne, et l'éther, c'est finalement ce que les scientifiques ont redécouvert à l'époque aussi d'Albert Einstein, sauf qu'à un moment donné, les philosophes ont pensé que c'était une matière, et c'est ce qui engendre la matière. L'éther, c'est donc le phénomène éthérique, le plan éthérique, qui porte aussi le nom de plan moronciel, qui porte le nom aussi de plan vital. Ce sont des mêmes termes, des étymologies différentes qui disent la même chose, qui parlent de la même chose. L'énergie éthérique, l'éther de la planète Terre, c'est les forces intra-atomiques qui permettent l'agglomération des quarks, qui vont permettre la création de protons, neutrons, électrons, et toutes les mécaniques qu'on va rencontrer, toutes les maisons, etc., qui vont progressivement, encore à cause de l'éther, s'associer ensemble en forme d'énergie. L'éther, dans l'ésotérisme sérieux, est beaucoup plus près dans la conception, beaucoup plus près du magnétisme que de la matière. On dira l'éther, c'est un magnétisme. Alors, on aura le magnétisme, par exemple, pour guérir. Hein? On parlera d'énergie magnétique, magnétisme animal. Mais on parlera aussi d'énergie vitale pour guérir. Mais c'est la même chose, c'est de l'éther. Et progressivement, on va parler donc du magnétisme. On va finalement, dans un ésotérisme scientifique, on va maintenant dire que l'éther, c'est les forces intra-atomiques. Bon, ça fait partie de ce qui est expliqué dans le livre de la naissance à la mort, par exemple. Tu vois, ça qu'il faut être réveillé pour le lire. Alors là, on va expliquer que, bon, l'éther, c'est ce qui... les quatre forces connues de la nature, parce qu'il y en a d'autres, il y en a plus que quatre. Par exemple, on aura l'électromagnétisme, qui est une force, qui est de l'éther. Les ondes hertziennes, la radio, etc., c'en est. La chaleur, c'en est. Les couleurs, c'en est. Après, on aura la gravité. La gravité fait partie aussi de l'éther. Les forces gravitationnelles, qui est la plus faible force dans l'univers. On aura par la suite la force forte qui va faire en sorte que les noyaux vont être moins capables d'exister. On aura une force faible à l'intérieur des structures atomiques qui va permettre aussi une gestion de certaines choses. Ça fait partie de l'éther. Autrement dit, dans un verre d'eau, il y a de l'éther. Et l'éther, c'est ce qui permet aux atomes, aux molécules, de conserver leur mémoire, de conserver leur forme. Et nécessairement, c'est ce qui va faire en sorte que les corps physiques vont être capables de conserver leur forme. Et quand le corps vital meurt, donc quand le corps physique meurt, le corps vital décolle, étant donné qu'il n'y a plus de vie que le corps vital, bien, le corps oublie sa forme et commence à se défaire. On parle de pourriture. Alors, l'éther dans la planète Terre est situé dans tout ce qui est matériel, c'est les forces interatomiques. Donc, il y en a dans l'atmosphère. Et c'est pourquoi dans l'atmosphère, il y a aussi de la mémoire. Parce que toutes les formes matérielles ramassent de la mémoire. Et c'est pourquoi lorsque vous respirez, par exemple, une atmosphère particulière, vous allez être coloré astralement, psychologiquement par l'atmosphère. Et c'est pourquoi on va dire à un moment donné, après une chicane dans une maison, on fait aérer ou encore on sort, on change l'atmosphère, c'est évident. Alors, il y a des endroits où on va rencontrer une atmosphère saine, une atmosphère peut-être religieuse, une atmosphère qui peut, etc. On respire de la mémoire astrale placée dans l'atmosphère. Au contact de certains individus, on se déprime. Au contact de d'autres, on se prime, on monte. Pourquoi? Parce qu'on respire leur atmosphère. Alors, l'éther, planétaire et fort, donc le centre de la Terre, aller jusqu'au fin fond des couches de la biosphère, au fin fond des couches de l'ionosphère. Je me sens comme dans un éternel labyrinthe, je n'ai jamais trouvé de sortie. Tous mes cœurs, ou presque, nature, certaines personnes, plus je me conscientise, plus j'en ai marre, je suis asocial. Ce labyrinthe, c'est les mêmes problèmes ou conneries qui sont différents sous différents visages. J'ai beau vouloir sourire, prendre goût, mais je n'ai plus envie, j'ai plus envie de vomir d'autres choses. Oh, mais vomissez un peu, après avoir vomi, des fois, c'est tant mieux, ça l'aide. La personne, c'est ce qu'elle a besoin. Elle a besoin d'être écœurée, d'être écœurée. Là, elle est écœurée, mais elle n'est pas écœurée, d'être écœurée. Mais l'écœurement, d'écœurement, c'est une chose que souvent les gens pensent. Ah oui, je suis écœurée, d'être écœurée. Non, c'est tanné, d'être écœurée. On aura le bol, d'être écœurée. Mais l'humain n'est pas encore écœuré, d'être écœurée. Quand l'humain est écœuré, d'être écœurée, c'est là que son ajusteur se branche convenablement. Là, l'humain commence à brosser les choses. Mais quand on est écœuré d'être écœuré, tout s'arrange pas. On met de l'ordre, l'embrasse des bebelles. Là, on aura le bol, on est écœuré d'être écœuré, puis là, on commence à avoir de l'énergie motrice pour exprimer une créativité qui va mettre de l'ordre, qui va ordonner l'entourage, puis qui va placer les choses à leur place. Et puis, progressivement, l'astral va finir par se tasser, on va vous laisser la paix. Si vous appliquez constamment ce que votre intelligence vous donne, et c'est là que l'humain plante. Donc, je me sens comme dans un éternel labyrinthe. Et vous êtes dans un labyrinthe. Labyrinthe, c'est une pièce carrée. Il n'y a aucun autre, rien d'autre. C'est un labyrinthe. L'humain essaie de traverser par les murs. Il y a une porte ouverte. Mais on essaye par les murs, on essaye par là, on essaye par là, on essaye par là. Parce qu'à un moment donné, on voit avec la tradition. Je dis souvent qu'à un moment donné, il y a une personne qui avait besoin de feu pour faire son repas. Alors, elle ne savait pas c'était quoi le feu, c'était noir. C'est qu'elle allumait une chandelle, puis là, elle cherchait du feu. Si elle avait su c'était quoi du feu, ça aurait été plus vite. L'humain qui part avec la tradition, souvent ne se voit pas. Mais ce n'est pas une question de savoir, c'est qu'elle avait une idée de ce que pouvait être le feu. Si elle n'a aucune idée, elle va trouver plus facilement. C'est pourquoi dans le passé, il y a eu comme plus de prophètes, plus de génies que dans l'actualité. Parce qu'aujourd'hui, les gens partent avec la tradition pour trouver. Je n'ai jamais trouvé la sortie. Évident. Pourquoi? Parce que l'humain va développer son corps mental quand il va vivre la désillusion de l'ego. Quand l'humain va vivre la désillusion d'émotion, quand l'humain va vivre la désillusion d'espoir, quand l'humain va vivre la désillusion du rituel, bien nécessairement l'humain va commencer à émanciper un plan mental. Le mental commence avec l'intellect. L'intellect, c'est le mental naissant. Puis progressivement, ça devient mental. Quand l'humain vit au niveau du plan mental, il commence à analyser. Mais l'analyse est dangereuse parce que l'humain analyse en fonction des mécaniques de son ego. L'humain analyse en fonction de ce qu'il a comme mémoire. Alors l'humain, c'est le cœur du monde. L'humain regarde le monde et analyse en fonction de son passé. Et c'est pourquoi l'humain doit rentrer en contact avec du neuf à un moment donné. Moi, j'appelle cela utopisé. Utopisé, c'est l'espoir de l'homme nouveau. Ça veut dire que l'humain va commencer à réincarner des mémoires de l'avenir pour cesser de réincarner uniquement des mémoires du passé ou des mémoires du présent. Parce que le temps, ça existe tout en même temps. Donc, le futur existe présentement, le passé existe présentement, le présent existe présentement. c'est juste exactement. Bon. Mais dans l'inexistentialité du temps, dans l'illusion du temps, c'est tout en même temps. Bon, spontané. Que la Hamid. Je sais. Tous mes cœurs ou presque, nature, certaines personnes et patati patata. Comprenez une chose. Ce qui vous écœure en réalité, c'est vous. Vous, vous écœurez. Vous vous trouvez, etc., etc., etc. Et on projette. Les personnes qui vont vous écœurer, c'est les personnes qui ressemblent plus à des choses que vous avez chez vous. Puis ça, quand on commence à se conscientiser, qu'on commence à être conscient, ils ne connaissent pas ça. Mais il y a des mécaniques de protection, l'ajusteur psychologique, l'intellect, des mécaniques de protection, pour qu'on ne voit plus trop. Moi, je n'aime pas du monde, là, sur le monde, il faut me crier. Parce que ce maudit monde-là, là, il m'écœure. Car, bon. Ça m'a dit, ouais, mais tu viens me crier. Ben, je sais que je crie, c'est à cause des autres. Il ne serait pas là, je ne crierais pas. S'il ne serait pas là, tu ne pourrais pas voir que tu cries. Donc, tu dirais, je ne crie pas. Quand il y a personne qui crie autour de toi, puis on dit, tu cries, qu'est-ce que tu dis? Ah, je crie pas, c'est ma façon de parler. C'est pas pareil. Je crie pas, moi, c'est même que je parle. Habitue-toi. Mais quand il y a des criards, là, tu commences à pas aimer criards. Quand on commence à être lucide, on se rend compte qu'on s'est fait avoir. Quand on se rend compte qu'on s'est fait avoir, à cause des mécaniques traditionnelles qui amènent l'illusion de la perfection, on pense qu'on est laid et qu'on est laide. Puis qu'on est faible, puis qu'on est faible. Pas de sexisme. Mais c'est important. Mais uniquement parce qu'on voit. T'as une gangrène, t'es aveugle. Mais il est belle. Pouf! On te donne un œil. Tu vois la moitié de la gangrène. Ça commence à la moitié mal. Pouf! L'autre œil. Ah ben, bordel! Depuis que je vois clair, là, j'ai un pied qui pourrit. C'est ce que l'humain conscientise. Plus je me conscientise, plus ça va mal. Je répète, on est anesthésié. Un peu comme j'explique souvent avec Adam et Ève. Adam et Ève, à un moment donné, ils ont bouffé une pomme. C'est ce qui s'est passé, là. Ils ont bouffé une pomme, puis le Dieu les a punis. À partir de là, l'homme va travailler, il va faire qu'il gagne sa vie à la sueur de son front, la femme va enfanter dans la douleur, puis des générations à venir, 30 millions de générations, et donc, Dieu il est bon. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que la femme a toujours enfanté dans la douleur. L'homme a toujours été pogné à cette époque-là. L'homme était anesthésié. Fait que ça ne rendait pas compte. Puis quand l'humain a commencé à toucher les choses qu'il devait toucher, il a commencé à vivre de la conscience. Vivant de la conscience, il s'est rendu compte comment il était pogné. Puis le Dieu a dit quoi? Les mécaniques divines de l'époque, qui étaient des grands manipulateurs, des grands fichous. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ben ils ont dit, mais maintenant qu'ils savent, là, qu'ils souffrent, on leur dira pas qu'ils ont souffert, on leur dit que c'est à cause qu'ils ont mangé la pomme qu'ils vont souffrir. Quand tu étais inconscient, tu ne souffrais pas. T'es, maintenant que tu as voulu être conscient, mais voilà, je te punis, tu vas souffrir. Tu as tout souffert. Avant, ça ne pas. Le corps de vous boitait, mais tu pensais que c'était normal. Quand tu as vu du monde qui ne boitait pas, tu as commencé à te rendre compte que tu boitais. Là, on va te dire, ah ah, tu as voulu venir nous voir, ben, à partir de maintenant, puni. Tu as boité. Tu as boité. Là, tu dis, crime, c'est vrai, gars, je boite. Regarde, gars, gars, gars, les autres ne boitent pas, moi, je boite. Tout le monde boitait, tu ne boitais pas. C'est la même chose ici au niveau de l'évolution. Tous mes cœurs, ou presque. Parce que la personne va dire, ouais, mais quand je regarde un arbre et puis mes cœurs, c'est quand même pas moi. Oui, c'est votre laideur qui est exprimée dans l'arbre. L'arbre, il est neutre. L'arbre, il est un arbre. L'arbre, il n'a rien à foutre de l'arbre. C'est de la matière. C'est des atomes placés là qui se promènent ensemble puis ça vit. Il y a un corps vital là-dedans qui ramasse des minéraux, des cossins, puis ça crée des symbioses, puis ça marche. L'humain le reconnaît, bon, c'est lui qu'il n'aime pas. Moi, je connais des personnes présentement qui sont assises ici, qui sont assises à l'extérieur, parce que souvent, les personnes, il faut qu'ils écoutent, ils ne sont pas là. Quand on leur dit quelque chose, ils vont sur le temps d'aller aux toilettes, l'ego les sort. Ces personnes-là sont extrêmement brillantes, puis effectivement, il y a bien des affaires qu'ils n'aiment pas. Ils sont critiqueuses, souvent, ils sont chialeuses. Asocial! C'est essentiel d'être asocial! Vous ne pourrez pas devenir un individu à part entière dans votre conscience, c'est toujours en gagne. Puis à un moment donné, de sauvage, puis de sauvagesse, allez finir par devenir un sauvage social. Vous allez être extrêmement sociable. Un supra-sauvage. Ouais. Sauvage ajusté. Ouais. Totalement social, tant qu'on ne vous écœure pas. Comme je dis souvent, si on regarde le groupe des chefs, par exemple, ben, il y a 20, 30 sauvages. Quand quelqu'un nous voit faire, il dit crime, ils sont pas sauvages, quelle gang, ils ont du fun ensemble, c'est une gang, c'est bien sociable. Là, tu t'approches, tu te dis bonjour. Tant sauvage. Quand ça te regarde, tu as l'impression que tu es trop. Les gens restent individuels dans leur conscience, sont capables d'être sociaux progressivement, les gens apprennent à s'ajuster, ils commencent à retrouver que de la bonté puis que de l'intelligence chez les autres. Ça prend un laps de temps. Mais c'est essentiel dans l'absurdité de l'évolution temporaire, parce que sans ça, si l'humain reste en gang, si l'humain est trop social, l'humain est toujours coloré par tout le monde. Là, à un moment donné, quand on devient social, là, ce qui arrive, quoi, il arrive qu'on ne peut plus vous influencer. Qu'on essaie de vous influencer, ça ne fonctionne plus. C'est pour ça qu'on était social. Parce que vous n'êtes pas encore assez puissant pour être capable de ne pas vous laisser influencer, sauf par votre conscience. Si vous dites c'est bleu, puis quelqu'un dit c'est rouge, puis là vous voyez que c'est rouge, pas d'influence. Vous allez dire, ah ben c'est vrai, c'est rouge. Si vous n'êtes pas influencé, c'est suffisamment intelligent pour reconnaître que quand quelqu'un d'autre a raison. Vous servez d'autrui. Mais quand vous dites c'est bleu, quelqu'un dit c'est rouge, mais non c'est bleu, mais non c'est rouge. Ah c'est rouge, tu penses? Je pensais que c'était bleu. Ah ben ok, c'est rouge d'abord, mais pourtant je suis sûr que c'était bleu. Là vous êtes influencé. Pour cesser d'être influencé, pour cesser d'être collectif, l'humain, dans sa conscientisation, finit progressivement par être associable. Ça ne veut pas dire qu'on se ramasse tout seul, mais c'est une phase qu'on va vivre à un moment donné. On peut être 3, 4 à 100 ans, puis trouver que là, ailleurs, au bureau, ben non, tu sais, il y a des affaires qui ne vont pas. C'est essentiel. Ça fait partie d'une mécanique. Après ça, on commence à détester les choses, ce qui est à l'intérieur de nous, nos mémoires, nos traditions, nos visions, on commence à les rejeter. Puis quand on les rejette partout ce qu'on va. Fait que si moi j'ai des bebelles à rejeter puis je les rejette chez Charles, ils vont trouver que Charles n'est pas correct. C'est évident. Je vois à travers les filtres de mon œil. Bon, l'humain est correct. Alors la personne, ça fait partie des processus corrects de l'évolution, sauf que c'est une mécanique qu'elle ne comprend pas encore. Il faudrait que la personne comprenne. Puis ce qu'on n'aime pas, c'est ça, c'est ce qu'on est chez soi. Regardez ceci. La personne était dans la religion pendant 20 ans. Là, subitement, elle a dit, tiens, je me rends compte que je me suis fait fourrer. La religion ne t'a pas fourré. La religion t'a amené à avoir assez de conscience pour te rendre compte qu'il faut que tu lâches. Vas-y, lâcher? Non. Alors, on s'arrange pour que tu la détestes. Là, tu vas lâcher. Fait que là, l'amour de religion, bien. Maintenant, ce qui arrive, c'est que maintenant que tu l'as lâché, qu'est-ce que tu fais? Tu fais religieux. Il faut convertir les autres sur leur religion, il faut qu'ils lâchent la religion. Et elle veut convertir ceux qui ne sont pas dedans, il faut qu'ils rentrent dedans. Tu appliques les mêmes traditions que la religion. Mais c'est pas pareil. Parce que l'humain, quand l'humain n'est pas suffisamment centré dans son intelligence, il faut toujours qu'il déteste pour arriver à bouger. Vous êtes en couple, vous séparez. C'est le temps. L'humain n'est pas assez intelligent, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire en sorte que les deux vont commencer à saillir. Et ils vont saillir suffisamment, ils vont se lâcher. Mais il aurait fallu qu'ils se lâchent avant, puis il aurait fallu qu'ils restent amis, puis il aurait fallu qu'ils ne saillissent pas. La personne maintenant commence à haïr, elle voit des conneries sous différents visages, etc. C'est correct, elle se fait encore charrier. C'est des mécaniques. J'ai beau vouloir sourire, prendre goût. Non, progressivement, vous allez finir par avoir suffisamment rejeté des choses chez vous que ça va commencer à apparaître mieux. C'est une phase de purge. C'est un purgatoire vivant. Tout le monde n'a pas à passer par là. Comprenez bien. Fait qu'à un moment donné, dites-vous pas, ben moi, je n'évolue pas de bord, je ne souffre pas. Ça, c'est encore être collectif, cela. Vouloir être comme tout le monde. Sauf qu'il y en a qui passent par là. Envie de vomir, vous ne pouvez pas mieux dire. C'est ce que je dis. Vomissez. On parle de l'anti-homme souvent. C'est les conneries qui sont chez vous, qui vous font mal à l'extérieur. Parce que votre intelligence, elle sait très bien que ce que vous voyez là qui n'est pas correct, là, vous l'avez en dedans. Vous ne pouvez pas voir la paix si vous ne connaissez pas la paix. Vous ne pouvez pas voir la stupidité si vous ne connaissez pas la stupidité. Et comment on reconnaît la stupidité ou une affaire qui n'est pas correcte? C'est parce qu'on n'est pas un professionnel de la mécanique. Ben, nécessairement, on le voit. Puis quand l'intelligence commence à vous informer de ce qui se passe chez vous, ben, vous allez le voir à l'extérieur parce que vous devenez plus subtil dans votre perception. Puis ça fait partie des mécaniques d'une grande partie des personnes qui se conscientisent, des personnes qui sont en transition. C'est pas essentiel, ça fait partie des mécaniques. La personne, elle va progressivement, ça va commencer à s'estomper, elle va recommencer à reprendre le goût de la vie. Elle va peut-être passer par une période, elle peut l'avoir déjà vécu, ça peut être alternatif, par une période où ça n'écœure plus, mais elle n'a pas plus le goût. Là, l'ajusteur est planté dans le plan moronciel, il n'est pas connecté à l'information, puis il n'est pas connecté au plan supramental non plus. Mais à un moment donné, on va recommencer à avoir le goût d'eux, puis les choses vont recommencer à se placer. Pourquoi? Parce qu'une grande partie de son initiation lunaire, au niveau du plan de l'évolution vers la race nouvelle, de la mutation, va être accomplie. Alors, on va recommencer progressivement à prendre goût. Comme je le dis souvent, écœurez-vous, mais déprimez-vous pas. C'est la base fondamentale. J'en ai ras-le-bol, exact. Mais déprime-toi pas. Parce que l'énergie que vous allez cultiver en vous écœurant des choses qui n'ont pas de rapport, des choses qui n'ont pas d'allure, cette énergie-là, elle va vous permettre à un moment donné de traverser. Sauf que si on se déprime, on se brûle. On brûle l'énergie qu'on ramasse en même temps. Non seulement tu n'aimes plus ça, puis en plus tu brûles l'énergie qui t'aurait permis d'aller voir plus loin. Fait qu'il faut faire attention. Donc écœurez-vous tant que vous voulez, ça n'a aucun problème là, déprimez-vous pas. Puis restez en vie. Sans ça, le monde de la mort, vous ne faites rien. Puis en plus, on vous replante dans la planète. Il faut qu'on recommence à vous changer vos couches. Il faut qu'on recommence encore à vous dire comment vous êtes. Qu'est-ce qui est bon pour votre santé? Est-ce que vous avez déjà réglé? Non, restez en vie là. En vie royale, en réincarnant des personnalités royales du passé, n'y a-t-il pas de danger de se scléroser dans l'archétype d'ancienne forme? Absolument, sauf si on le fait intelligemment. Si on le fait intelligemment, ça veut dire qu'on connaît les mécaniques, on fait les mécaniques, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on mange, qu'on reste soi-même. En mangeant une pomme, y a-t-il le danger de devenir pommier? Ça se peut. Sauf si on est suffisamment puissant. La pomme va devenir homme. La pomme va devenir femme. Puis nous, on reste ce qu'on est. C'est là que ça vient, la pomme dedans. Elle n'a rien dedans. En mangeant de la viande, est-ce qu'il y a en mangeant du bœuf, est-ce qu'il y a des dangers qu'on devienne bœuf? Ben, si ton signe astrologique, c'est le taureau, peut-être. Mais si c'est vierge? Non. Sauf que c'est prouvé que quand les gens mangent de la viande, ils sont plus violents. Ils sont plus émotifs. Ils sont plus frustrables que les végétariens. Mais effectivement, ils ne digèrent pas toute la viande. Ils se font digérer parce qu'ils mangent. Bon. Alors, c'est la même chose pour la réincarnation. Quand une personne travaille une mécanique réincarnationnelle pour attirer des mémoires et des énergies, et des valeurs, reliées par exemple à des lignées royales, c'est évident que la personne, il faut qu'elle reste elle-même. Il ne faut pas qu'elle devienne une aristocrate snob des fins de cycle au niveau des royautés. Il faut qu'elle soit une personne aristocrate des débuts de cycle. Les aristocrates, il y en a eu dans toutes les nations, il y en a eu dans toutes les ethnies, il y en a eu dans toutes les races. Des aristocrates qui avaient de l'allure. Pas, il n'y a pas tout le même genre d'aristocratie, mais il y a toujours eu des aristocrates dans tous les pays, sur toutes les terres. Il y en a eu chez les Mayas, il y en a eu chez les Incas, il y en a eu chez les Égyptiens, il y en a eu chez les Numides, il y en a eu chez les Romains, il y en a eu chez les Anglais, il y en a eu partout. Sauf qu'on doit réincarner la crème. Puis comment on sait qu'on réincarne la crème? Restez ce que vous êtes, c'est bien simple. Progressivement, vous allez être reconnu par autrui, vous allez avoir le goût de changer de cadre de vie. L'intelligence s'exprime toujours dans de l'abondance, dans la richesse en termes ésotériques, en termes PMC, ça veut dire du temps, ça veut dire de l'argent, ça veut dire de la santé, ça veut dire de la joie. Je pas de la richesse sans ça, hein? Et la moitié de la planète, ils ont de l'argent, ils ont pas le temps. L'autre moitié, ben, ils ont pas d'argent, mais ils ont le temps. Les pays développés, ils ont du temps en masse. Pas d'argent. Les pays industrialisés, ils ont de l'argent en masse. Ils n'ont pas de temps. C'est divisé, sa planète, pour que l'humain ne puisse pas parvenir à s'en sortir. L'être humain intelligent qui va réincarner des mécaniques. Ceux qui ont géré l'argent, on va attirer des mémoires, prendre l'expérience. Ceux qui ont géré le temps, on va attirer des mémoires, prendre l'expérience. On amène les deux. Ceux qui étaient en santé, ceux qui ont géré la santé, on va attirer des mémoires, prendre l'expérience. Ça se réincarne 24 heures sur 24 chez nous. Donc, autant contrôler ces choses-là. Il y a des dangers à se scléroser, etc. Ce qu'on a à faire, c'est de ne pas se scléroser. Il faut comprendre la mécanique. Puis quand on fait ça dans une synergie, par exemple, avec des individus qui sont solides et qui sont intelligents, il n'y a aucun problème. Maitreya a-t-il une utilité ou finalité? Ben oui, absolument. Maitreya, il y a une utilité certaine. En étant centrique, il ne devrait plus nous toucher, n'est-ce pas? N'est-ce pas? En étant centrique, il peut encore vous toucher. Mais en étant centré, il ne peut plus vous toucher. Centrique, c'est que tu es en train d'être centré. Mais centré, c'est que tu es centré. Quand l'humain, quand l'homme, la femme ou l'enfant sont seul maître, il n'y a pas de problème. Il pleut dehors, vous ne commencez pas à trouver qu'il fait du mauvais temps. Vous ne pensé qu'il pleut dehors. Ça se mettait l'imperméable, ça se votre parapluie. Ça a oublié l'imperméable, chère voisine, vous n'avez pas acheté votre parapluie. Ben, vous sortez puis vous faites mouiller. Vous chialez pas, il vous fait mouiller de toute façon. Vous sortez, vous êtes mouillé. Puis quand vous arrivez où vous devez aller, vous êtes tout mouillé. Puis vous, êtes tout pareil. Aucun problème. Ah, t'es bien mouillé. Exact. Perficace. Vous êtes essuyé. Exact. Comme ça. T'aurais dû chercher un parapluie? J'aurais dû. Et pourquoi tu l'as pas fait? Parce que je l'ai pas fait. Ah ouais, t'es bien niaiseux! Exact. Bon, je n'ai rien de leur expliquer les affaires, eux autres! T'aurais dû faire ça! T'as raison! Maintenant, je fais quoi maintenant? Fais le C, là? T'es mouillé pareil. Ben, c'est... Personne qui est centré, ben, mais... T'sais? T'as des morceaux de moutarde, c'est ta chemise. Exact. Le monopole peut de la liche avec ça. La personne qui est centrée, elle est correcte. Bon, on va aller faire du ski, puis finalement, ben, il pleut. Ben, on fait pas de ski. Tu fais du ski à quoi, c'est? T'es dans le ski. Non, la personne qui est centrée, elle a la paix. Il neige, il pleut, il fait soleil. Il fait jamais trop chaud. Imaginez, il fait 30 degrés, les gens disent qu'il fait trop chaud. Ça n'a jamais été sous le soleil, vous autres. Il fait 30 degrés. Moi, j'étais dans la jungle, à un moment donné, puis il faisait 32, 33, 34 à l'ombre. Puis moi, je disais au monde, là, il fait chaud, hein. Le monde, il me disait, oh, on est bien. Il y avait le tuc, le costume, le petit manteau. On était à quartier sous le dos. Puis il disait, mais cet été, on va faire chaud. Puis on a l'air épais pas mal. Il fait 30 degrés, on trouve qu'il fait chaud, eux autres sont encore habillés. Ils font du jogging, puis revient avec le tuc. Puis quand d'autres le tuc, là, c'est pas plein de poux en dessous. Mais non, ils pognent la grippe. Tout est tellement relatif, puis on est là à perdre notre vie, à crier sur des relativités. Ça, c'est de l'orgueil. Il fait chaud, hein? L'univers devrait faire moins chaud, parce que je me plains. C'est ça, on se plaint. Hein, il pleut encore. Ben oui, il pleut encore. Moi, je dis souvent au monde, hey, c'est mauvais temps, non, il fait soleil. Ben, où ça? En haut des nuages. C'est soleil en haut des nuages. Fait toujours soleil en haut des nuages. La personne, si elle est centrée, elle est bien. Maitria, Daniel Kim, n'importe qui peut plus vous toucher. Alors, s'il y a de l'intelligence dans Maitria, vous allez vous en servir. Pourquoi? C'est intelligent. S'il y en a dans Daniel Kim, vous allez vous en servir. C'est intelligent. Puis s'il y en a chez vous, vous allez vous en servir. C'est intelligent. Il n'y a plus de... etc. Pas besoin de diplôme. Bien, la personne doit avoir 3 ans et demi, là, puis vous dire en plein ce qu'il faut. Ben, c'est ça. C'est un gars. C'est une fille. Ça n'a rien à voir. La personne qui est centrée, elle est bien. Très, très bien. Il faut faire euthanasie de Doberman à euthanasie de Doberman. Aucun problème. Est-ce qu'elle l'a respecté pendant qu'il vivait? Oui. Est-ce qu'elle l'a nourri pendant qu'il vivait? Oui. Est-ce que tout était correct? Oui, la personne est centrée. Présentement, on passe à une autre étape de la vie. Alors, nécessairement, on règle des choses. On comprend les mécaniques. Si tu es un Doberman, écoute, un serin, c'est toléré. Fait que, ici, il n'a pas se réincarné. Puis là, tu vas acheter un strain 2-3 semaines après, un bébé strain. Puis il y a des grandes chances que votre Doberman ne soit dedans. Oh, il aboiera pas, il jappera pas, il ne mordra pas. Bon, il n'aura pas besoin d'aller faire sa petite promenade dehors. On rit, mais c'est exactement ce qui se passe. Et l'humain n'ose pas. L'humain, il pense à la superstition. La superstition, c'est quand on applique des choses qu'on a apprises, qu'on ne comprend pas. On prie, c'est de la superstition. Tu donnes des ordres au monde de la mort, tu coordonnes des choses en dans le plan astral, c'est pas de la superstition. La prière aussi. Vous avez un problème à votre estomac? Parlez-lui. Dites-lui que vous l'aimez. Que vous pensez à lui. Dites-lui que vous voulez pas qu'il soit malade. Ça va l'aider. Est-ce que tu te tais? Ben oui, c'est ta place. Mais ça fonctionne. Mais quand on comprend la mécanique, le médecin va aussi parler à l'estomac. Pour lui dire quoi faire. Pas parce qu'on croit que ça fonctionne, parce qu'on sait que ça fonctionne. Puis quand on est entre les deux, après la superstition, on passe au cartésianisme, on abandonne tout. Rien qui marche. Après ça, là, quand on commence à être un peu plus conscientisé, il faut qu'on se rattrape à certaines choses. Là, on va commencer à vous dire, écoutez, votre corps physique, il faut l'entretenir. Puis oui, mais là, je suis malade, moi, ben, parle à ton épaule. Puis tu dis, écoute, la cave, on a besoin de tout le moyen de fonctionner. Tu te fais mal. C'est l'ego qui fait ça. Hey, l'ego, youhou, l'ego, l'ego. T'aimes ça quand ça fait mal? Non, mais guéris la dent. La personne là, qui fait du rebirth ou qui fait d'autres choses, elle va faire la même mécanique. Mais elle ne comprend pas la mécanique. Ah, ça peut être plus long. La personne qui comprend la mécanique, elle peut avoir une fausse modestie de l'appliquer. Elle a peur de retomber comme avant. Une grosse nuance, maintenant, vous savez. Il y a du monde qui mangeait du porc avant. C'est malade. Tout le temps malade. Alors, il y a des instructeurs qui vont nous dire dans les religions, il ne faut pas manger de porc. C'est l'animal qui a les sabots fendus, etc. Bon, ils donnent ça de leur façon. Aujourd'hui, là, on mange du porc, mais j'ai peur, tout d'un coup, j'en viens. Non, tu le fais cuire, le porc, tu n'es pas malade. Mais avant, tu ne sais pas cuire. Je m'étais malade. Quand l'humain comprend la mécanique, il peut l'appliquer. La même affaire pour la centricité. Maître Ia, rien à faire sur vous autres. Maître Ia, c'est un bon bonhomme, il va s'occuper uniquement de ceux qui ne sont pas centrés. C'est correct, parce qu'il va ramasser des gens, comme une religion, comme plein de choses, puis il va les écœurer comme il faut, pour que les gens arrivent à se centrer. Il y a un rôle fondamental à jouer, Maître Ia. Un concentrateur. Mais oui. C'est un concentrateur. C'est ça, vas-y. Le Nazaréen a été transfiguré de l'intérieur vers l'extérieur. Pourquoi cette lumière n'est-elle pas restée qu'autour de lui? Pour la faible raison que cette lumière, elle est restée autour de lui, mais la lumière que les gens ont vue, c'est la lumière la plus basse, la lumière dense. La lumière subtile, celle qui est restée autour de lui, les gens n'étaient plus capables de la percevoir. À part Lazare, à part Madeleine, à part Marie, à part certains personnages autour de lui. Donc, les personnes ont pensé que la lumière était partie, mais c'est parce que la première chose qui est apparue chez lui, c'est comme une vibration. Disons qu'on prend un morceau de métal et on le fait vibrer. Mais là, on ne voit rien. À un moment donné, le morceau de métal, on commence à voir qu'il vibre. Subitement, on commence à entendre un son. Comme un diapason. On commence à entendre un son. Et subitement, le son, on ne l'entend plus. Il est parti. Non, il est là. C'est de l'ultrason. On ne l'entend plus. C'est ça. À un moment donné, il commence à chauffer. La chaleur. À un moment donné, il commence à y mettre de la lumière. Le métal commence à tellement vibrer, tellement être chaud, le micro-ondes se sort, il devient rouge. Après ça, le rouge devient blanc, il chauffe au blanc. Hey, le rouge est parti, il est toujours là, le rouge, on ne voit plus. À un moment donné, là, hop, le blanc disparaît. Il est rendu qu'il émet des fréquences, des ondes hertziennes. Je ne dis pas, mais on ne voit plus. Tout est là. Alors lui, la première lumière qui est sortie, le corps physique qu'on voyait progressivement, en termes d'évolution, d'ascension, bien, les humains ont commencé à percevoir des guérisons, l'énergie vitale qui se promène. Après ça, lentement, on commence à voir de la lumière. Et la lumière était vue par le troisième cerveau, par la glande pinéale, entre autres, pas par les yeux. Mais l'humain, le cerveau, quoi, s'arrangeait pour qu'on pense que c'est par les yeux. Tu sais, quand vous voyez un fantôme, là, même les yeux fermés, vous allez le voir encore. Bon, vous allez le voir moins clair parce que vous vous convainquez que vous le voyez moins. Et progressivement, la lumière est apparue, les gens ont vu une transfiguration, justement, de l'interne vers l'externe, et par la suite, la lumière est partie. Non, c'est parce que c'était encore plus beau, les gens n'étaient pas capables de le voir. Les gens sont restés avec la mémoire de la lumière qu'ils ont perçue, qui était toujours correcte. C'était correct. Quelle différence entre l'illumination et la transfiguration? La transfiguration, c'est quand une entité extérieure descend chez vous, puis vient s'exprimer. Puis l'illumination, c'est quand la personne devient un foyer qui va permettre un rayonnement d'une chose. L'illumination, c'est quand tu t'illumines de l'intérieur, et la majorité des personnes qui parlent d'illumination, j'ai eu une illumination, en réalité, il y a des personnes qui sont transfigurées d'une façon tellement minime qu'ils ne s'en rendent pas trop compte. La transfiguration, comme le Nazaréen, quand il est transfiguré, lui, c'est une énergie, on parle d'énergie michaélienne dans le point de vue de l'ésotérisme, l'énergie christique, c'est le Christ, ça descend à un moment donné, puis ça vient carrément chapeauter, ça vient renforcer toute l'affaire au complet, c'est une transfiguration. Autrement dit, lui, la personnalité du Nazaréen, avec ce qui vient de descendre à l'intérieur, lui confère une personnalité totalement autre, donc du point de vue de la figure, du point de vue des formes, c'est totalement transcendé, par l'ordre de transfiguration. Alors que l'illumination, c'est lorsque par votre propre processus de conscientisation, vous parvenez à un moment donné à établir une lumière dans votre conscience qui vous amène à une conscience. Une conscientisation peut avancer. Ça, c'est une illumination. Cette dernière, c'est-à-dire la transfiguration, est-elle le premier ou le dernier contact avec l'énergie divine? La transfiguration, c'est le premier contact. C'est pas la première initiation dans la montée, mais c'est le premier contact, ce qui fait que François, par exemple, va être transfiguré. Alors, il y aura un contact avec les mécaniques divines, avec les mécaniques christiques, sauf qu'ils ne sont pas un contact personnalisé. Donc, il n'est pas lui-même son seul maître. Il recherchera encore le contact. Tous les apôtres, les saints, puis quelles que soient les religions, parce qu'on parle de saints, les personnes vénérées de d'autres religions, c'est les personnes transfigurées. C'est le premier contact avec les forces supramentales. Est-ce l'énergie du Père ou celle du Nazaréen, dans le cas du Nazaréen? C'est une énergie nazaréique, c'est-à-dire qu'il y a des correspondances nazaréennes, mais ce n'est pas ni l'énergie du Nazaréen, ni l'énergie du Père. C'est votre énergie. C'est l'énergie de l'être. Ce qu'on appelle l'énergie christique? L'énergie christique, c'est le nom qu'on va lui donner. Pourquoi? Parce que c'est cette énergie-là qui est descendue dans Jésus pour le christifier, pour faire d'un enfant un être plus intéressant. Alors, on parlera d'énergie christique, mais ce n'est pas l'énergie christienne. Est-ce que vous comprenez? Oui. Christique, ça veut dire qu'il se rapporte à. Christienne, qui voudrait dire qu'il appartient à. Alors, de l'énergie tellurique, ça se rapporte à la Terre. De l'énergie terrienne, ça appartient à la Terre. Alors, on parle, par exemple, quelque chose qui est scientifique, se rapporte à la science. Biologique, se rapporte à la biologie. Biologien, c'est biologique. C'est-à-dire que ça rapporte à la biologie, puis ça appartient à la biologie. Alors, on pourrait donner plein d'exemples. Mais là, on parle donc d'énergie christique. Christique, c'est en référence au premier qui l'a utilisé. En référence, c'est ça, mais christienne, c'est la science. Alors, c'est de l'énergie christique, c'est pas de l'énergie christienne, et c'est pas de l'énergie du Père non plus. Puis le Père, on pourrait parler longtemps aussi de toutes de ce que c'est, parce que le Père, ça a aussi différents niveaux en fonction de ce que les humains perçoivent de ce qu'ils appellent le Père. Mais ce n'est pas non plus de l'énergie du Père. L'humain est beaucoup plus que ce qu'il pense qu'il est. Et il est chapeauté, côtoyé par d'autres mécaniques qui ont aussi une importance aussi fondamentale que l'humain. Et qui vont être appelés, ils vont être baptisés de différentes façons par l'humain. Ce serait long à expliquer présentement ici en conférence régulière. C'est des mécaniques qui sont assez complexes. Les élus sont-ils élules? Bien sûr. Quand on est encore sous le règne lunaire, ce serait illogique de se servir des lois solaires, si le solaire nous est fermé. Ce serait illogique de ne pas s'en servir s'il nous est ouvert. Vous en pensez? Donc, la seule façon de savoir si c'est fermé ou ouvert, c'est d'essayer de temps en temps. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'homme, la femme, dans ce qu'elle est et dans ce qu'il est de conscience, est assujetti à l'évolution solaire. En ce qui concerne la mémoire de l'humain, la tradition, l'âme de l'homme ou de la femme, ça, c'est lunaire. Puis quand on parle de lunaire, j'explique encore que c'est simplement de l'initiation solaire qui est atténuée. Puis les termes viennent simplement de l'observation. Quand on regardait le soleil en pleine face, on devenait aveugle. Quand on regardait la lune qui réfléchissait la lumière du soleil, c'était acceptable. Donc, l'initiation lunaire, l'initiation atténuée. L'initiation solaire, l'initiation plus puissante. On n'a pas envie d'initiation lunaire. L'initiation lunaire, c'est quoi? L'initiation lunaire, c'est qu'au lieu de te dire, au lieu de que tu comprennes simplement que c'est bon que tu fasses ça, eh bien, on dit rien. Tu as essayé un champignon, tu es malade pendant 2 semaines, puis tu as essayé après ça une autre affaire, tu es malade pendant 1 mois, puis finalement, tu tombes sous le bon cossin, puis là, tu viens de comprendre. C'est lunaire. Nous n'avons pas à vivre ça. On n'a pas à vivre ça. Les animaux ne vivent pas ça. C'est pour les intraterrestres. Les animaux, ils savent ce qu'ils doivent manger. Ils savent pas qu'ils savent, mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Le chameau perdu dans le désert, quand il est soif, il marche, il creuse, il boit. L'homme, il marche pas parce qu'il chiale. Il se dit, pourquoi je marcherais par là, pourquoi par là, pourquoi par là, puis il meurt de soif. L'initiation, elle est lunaire. L'animal ne vit pas ça. L'animal n'est pas un être évolutif, l'animal n'est pas un être ascendant, il n'est donc les assujettis de tout ça. L'intraterrestre vit de cette mécanique-là pour des choses qu'on a expliquées lors d'une conférence, la dernière, je crois. Sauf que l'humain, l'homme, ce qui nous habite, ce que nous sommes ni médiocres, on est sujeté à des faux, à des illusions de médiocrité et de chute. Et on n'est pas obligé de vivre l'initiation lunaire. On peut tellement facilement comprendre. Dans l'initiation lunaire, on doit s'engueuler, se chicaner. Parce que le bonheur, c'est trop pesant. Oui, pour mon égo, le bonheur, c'est pesant. Eux, ils manquent des piquants dans la vie, tu sais. Il me semble qu'on devrait, bien, ils sont heureux, puis ça nous fait mauvais la démarche, ça fait embarquer dedans, t'as jamais de crevaison, c'est même pas ce qui est ton cri, que ta route secoue, n'a jamais eu besoin. Ton chum, il arrive, puis il dit, hey, moi, j'ai fait un accident, j'ai capoté, tu sais, il m'est rien arrivé, j'étais malade, puis je m'en suis sorti, puis toute ta vie, tu plaques. Il m'arrive jamais. Tu fais un voyage, outre-tombe, tu reviens des garets, c'est un voyage, outre-mer. Il se passe jamais rien non plus. Savoir les Indiens, youpi, les réducteurs de tête, puis on réduit pas la tienne. Tu sais, ça va mal. T'achètes un billet, tu gagnes. Chaque fois que t'achètes un billet de la rue, tu gagnes. Même plus de stress de perdre. T'achètes l'assurance vie, tu meurs même pas. Ben, tu peux pas collecter l'assurance. Non, mais imaginez ce que c'est. Quelle vie plate. Puis l'humain qui souffre, il rêve d'avoir ça. Mais quelle foutue vie plate! La preuve que les humains, en tant qu'égaux, nous, en tant qu'intelligence, on peut vivre ça. Mais en tant qu'égaux, la preuve que c'est pas supportable par un égo humain, par ce qui est assujetti à l'évolution ou à la stagnation. Toutes les aristocraties qui, à un moment donné, ont toutes eu le temps et l'argent, qu'est-ce qu'elles ont fait? Orgies, débauche, puis décadence. Pourquoi? Parce que tout va bien. Tout va bien. Tu vas à la chasse, on va à la chasse aux fins. On va s'abonner un problème, genre que j'en élève. Mais bon, il est là, on va à chasse aux fins. À chasse aux renards, pas de problème. On lâche les renards qu'on cultive, pour pouvoir à chasse aux renards. T'as rien là. T'as 300-400 chiens avec toi, tu sais. Puis, t'as où le renard de réserve? C'est quand t'aurais celui que t'as lâché, tu ne pouvais pas attraper. Mais là, tu sors 3-4 coups de corps, puis là, on lâche le renard de réserve. Lui, il se pousse, puis il s'en vient direct sur vous autres quand on rentre au château. Mais on le pointe pareil, on ne sait pas que c'est sûr. On ne veut pas savoir si c'est le bon ou pas le bon. Tu sais, il n'y a pas de problème là. Puis quand on tire au pigeon d'argile, il y a toujours un gars pour tirer aussi. Encore ce moment coup. Ah ben. C'est tellement parfait. Qu'est-ce qu'on fait? Ben là, on boit. Là, on chicane. Pose on fait des orgies. Pour de la chasse aux fins, à la chasse aux femmes. C'est ça. Là, on rentre dans les duels. Là, on rentre dans les insultes. Plus rien. Avant, on faisait la guerre ensemble contre des ennemis. On en supportait des bebelles. Le moment donné, ben là, faut que tu m'insultes. T'es éternué sur ma table, là, pis t'es une plaque de guerre en face, là, tu connais sans trop tuer, nous autres, et ça. C'est l'humain, parce que j'ai déjà dit à un moment donné, malgré l'homme, la femme, l'enfant, un jour sera heureux, malgré lui. Puis c'est évident que ça fait partie de l'initiation solaire. Puis l'humain en a peur, parce que l'humain n'est pas habitué. Les égaux regardent dans l'histoire qui n'ont jamais connu ça. Alors ils se disent qu'ils avaient vraiment fait une vie dedans. C'est ça qui était peurant. Justement, là. On s'adapte vite. La semaine prochaine, le titre de la conférence, c'est se libérer du passé. Oui, bien c'est ça. On va continuer là-dessus. On va expliquer ça. En attendant, on s'amuse. Bonne fin de semaine, bonne fête de la Saint-Jean. En cas qu'il y en a qui fêteraient ça.